Lettre 22e, Larissa à Giunia Marcella. Ducan devant Nisibis, septembre 301. Demain, à l'aube du jour, Nisibis sera attaqué d'assaut. Démétrius conduit lui-même son armée. Agathoclès, à force de prière, vient d'obtenir le poste le plus dangereux. Je comprends très bien le vœu de son cœur, la gloire ou la mort. Telle est sa devise. Son âme forte trouvera dans l'une ou dans l'autre le calme dont il a besoin. Mais ta Larissa, chère Giunia, que deviendra-t-elle après le jour affreux qui se prépare? C'est ce dont personne ne s'occupe, et moi-même bien moins encore. Je puis aussi peu écrire que penser avec quelque suite. Depuis 2 mois, je n'ai rien reçu de toi, Giunia, et demain peut-être m'adresseras-tu en vain les paroles de ta tendre amitié. Je ne pourrai plus les entendre. Mon cœur est si oppressé. Tantôt, je sens circuler mon sang avec véhémence, et l'instant après, il me semble déjà glacé. J'ai beaucoup souffert en ma vie, mais jamais je n'avais éprouvé une telle angoisse. Je ne puis même prier. Je me prosterne, mais pas une idée nette ne se présente à mon esprit. Je ne fais que gémir. Les larmes, seul bien qui reste aux malheureux, me sont aussi interdites. Ma tête brûle. Et pas une larme ne vient la rafraîchir. Prie pour moi, Giunia. Que veux-je? Dans quel but? Hélas, bien avant que cette lettre te parvienne, mon sort sera décidé. Ma main tremble si fort que je ne puis écrire. Adieu.